c'est notre planète et l'atmosphère qui plane au-dessus de nos têtes. Vous me direz qu'on peut rien y faire, que tel est le destin pour les enfants de la Terre. Mais non, stoppons la pollution, que tous les jeunes de chaque nation s'unissent pour accomplir cette mission. Et si chacun y met du sien, et que tout le monde prend le même chemin, on parviendra à stopper le désastre pour de meilleurs lendemains. Pour de meilleurs lendemains. Dans cette société où c'est la surconsommation qui est plébiscitée, où le peuple est soumis à la tentation de la publicité, les grandes distributions ont monopolisé le marché, car eux seuls ont le moyen d'être médiatisés. La télévision donne de mauvaises idées, elle veut normaliser l'intérêt de l'argent dans les jeux télévisés. Et dans le monde entier, les excès et les abus sont une banalité. Cette consommation devient insupportable. Faut changer de raisonnement, changer de mentalité. Il faut favoriser la fabrication durable, acheter intelligemment et surtout de la qualité. Les déchets, y'en a tellement que la terre devient une décharge. Réduisez la quantité et évitez les emballages qui ne sont pas recyclables. Faut qu'on protège notre planète, ainsi que l'atmosphère qui plane au-dessus de nos têtes. La terre est salie par la pollution, les hommes sont trahis par la corruption. Il faut stopper la destruction, arrêter la course au pognon pour que l'humanité reprenne la bonne direction. Ouais, la bonne direction. Tous les moments que nous vivons avec la nature savourons-les, car à elle nous sommes tous liés. De la balade en forêt à la glissade sur les montagnes enneigées, dans deux pays différents, bien souvent en les contemplant sur des magazines, des images médiatiques, ces paysages paradisiaques magnifiques. Tant de culture, tant de beauté humaine, car l'univers est composé de peuples aux couleurs variées conçues pour que l'on s'aime. Comment décrire la douceur d'une brise légère, le soleil qui chauffe nos corps, l'été en bord de mer. Respectons la création, car que ferons-nous demain si l'humain détruit les dons et combat contre son prochain, contre son prochain, contre son prochain. Pour qu'on protège notre planète, ainsi que l'atmosphère qui plane au-dessus de nos têtes. Vous me direz qu'on peut rien y faire, que tel est le destin pour les enfants de la terre. Mais non, stoppons la pollution, que tous les jeunes de chaque nation s'unissent pour accomplir cette mission. Et si chacun y met du sien, et que tout le monde prend le même chemin, on parviendra à stopper le désastre pour de meilleurs lendemains. Pour de meilleurs lendemains. De la terre sort l'or, le rubis, le fer, autant de matières précieuses et vitales à la vie que d'espèces de poissons dans la mer, frère. Les merveilles qui nous entourent qu'avant je ne voyais pas, comme un beau coucher de soleil, cela n'attirait pas mon regard, ne m'intéressait pas. Il est pourtant si charmant à la fois, si romantique et si grand, car c'est lui qui l'a créé, c'est le Tout-Puissant, c'est le Tout-Puissant, Tout-Puissant, Tout-Puissant. Ton père qui est aux cieux. Nous savons ici que vous voyez tout. Vous êtes le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Nous nous trouvons actuellement dans une situation où nous avons besoin de vos conseils, de votre présence et de votre savoir pour nous éclairer. Merci Seigneur de nous permettre de récolter ce que nous avons semé, que cette petite graine puisse s'épanouir en une fleur à laquelle chacun pourra être capable, métaphoriquement, d'accéder, de respirer pour être inspiré. Et faire qu'un jour, nous n'ayons plus besoin de nous battre dans ce monde. Être en accord les uns avec les autres. En particulier entre frères. Seigneur, je vous demande de m'autoriser à rester concentré sur les choses qui doivent progresser. Qu'il en soit ainsi. Amen.